Frédéric, merci pour cette émission sur Ghostbusters qui me force aujourd'hui à faire un mea culpa. Papa, maman, dans cet hiver de 1984, oui, si tous les extincteurs ont disparu du parking de l'immeuble, c'est effectivement ce que moi, Christian, Polo, Chaouki, on était en rade de Proton Pack. Donc voilà, c'est fait. Désolé. Oui, c'est un petit message pour les ceux qui font le montage des répondeurs. Parce que moi, j'ai tendance à laisser des messages hyper longs et ils ont réussi à faire un montage formidable. On n'entend pas du tout les coupures. Vraiment, je trouve ça incroyable. D'ailleurs, je vais faire un petit essai là. Je vais dire une phrase hyper politiquement incorrecte, hein, une horreur, un truc affreux. Attends, attention. 2, 3. I love you, Frédéric Segrist. Et voilà. Et vous n'allez pas l'entendre parce qu'ils vont l'avoir coupé. Et ça, je trouve ça formidable. Et merci, Blogbusters. Merci, vous êtes trop. Alors, j'ai trouvé les clés du camion. Hein. Ce sera bon pour ce week-end. Mais par contre, moi, je préfère que tu gardes le piano hein, parce que toute l'année, moi, j'en transporte plein que. Bonjour, ici Dracula, le comte. Je voudrais vous dire à quel point, pour moi, c'est un immense honneur d'être mis au même niveau que Mario Bros, Beyoncé ou La Petite Maison dans la Prairie, une émission consacrée à moi. Oh vraiment, quelle grande chance. Allez, vie éternelle à Blockbuster. Écoutez, je suis vraiment content d'avoir Ghostbuster parce que là, je vais pas me l'écouter encore maintenant en podcast, je vais me l'écouter à 4h du mat, en partant en vacances en Bretagne, à côté de Saint-Malo. J'espère tracer la route que mon fils qui fera encore dodo n'entende pas et n'ait pas envie de voir comme celui de Frédéric le film. Et bah continuez comme ça et vive le mois d'août. To be or not to be, not to be. Lorsque j'ai annoncé à mon entourage que je comptais faire un blockbuster consacré à Céline Dion, je l'avoue, on m'a regardé bizarrement. On m'a dit « Céline Dion, comment te dire Frédéric, c'est pas vraiment une artiste inter. » Et là je me suis demandé « C'est quoi exactement une artiste inter ? Est-ce que ça donne le droit à une place de parking, des tickets resto ? Est-ce que c'est déductible des impôts ? Est-ce que c'est physiquement repérable ? Est-ce qu'un jour Eddie Depreto ou Juliette Armanet se sont réveillés en se disant oh, « Je sais pas ce que j'ai, mais depuis ce matin, je me sens vachement inter. » Peut-être même que ce sont des proches qui leur ont dit « D'y voir Dominique, ne le prends pas mal, mais ces textes, cette mélancolie énigmatique dans tes paroles, ce sodade à la française, tu ne serais pas un artiste inter ? Peut-être qu'on peut faire son inter à août ? Un dimanche, en famille, en plein repas, tu l'annonces à tes parents ? Papa, maman, j'ai un truc à vous dire. Je suis un artiste inter. » Pas pour tout te dire, mon poulet, on le sait depuis longtemps, ton père et moi. Il y avait des signes, cette manière que tu as de rire aux chroniques de Charline Vanhoenacker, cette allergie au discours d'Éric Ciotti. T'as quand même vu le dernier film de Xavier Dolan 9 fois. Donc oui, Céline Dion, vraisemblablement, n'est pas une artiste inter. Mais elle n'est pas la seule, il existe tout un monde qui n'est pas France Inter. Sans quoi, ça ferait longtemps que Benoît Hamon serait président de la République avec Yannick Jadot pour Premier ministre. Donc non, Céline Dion n'est pas une artiste inter. Mais elle est, depuis ses 13 ans, une artiste tout court. Et franchement, en ce qui me concerne, avec près de 40 ans de carrière derrière elle, eh bien c'est largement suffisant. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Segrist. Lorsque l'on pense à Céline Dion, on pense bien évidemment à la chanson de Titanic, aux chansons écrites par Jean-Jacques Goldman et bien évidemment à mon mari René, hein, qui a nourri tant de sketchs, d'imitations, de parodies plus ou moins inspirées. Pourtant, sans mauvais jeu de mots, tout cela, ça n'est que la face émergée de l'iceberg. Parce qu'on oublie trop souvent que Céline Dion, c'était une star au Québec dès ses 13 ans. qu'elle a ensuite conquis l'Europe en gagnant l'Eurovision pour la Suisse en 88, et que la France, où elle s'est fait connaître grâce à sa collaboration avec Jean-Jacques Goldman, n'a été qu'une étape dans un parcours qui l'a fait connaître du monde entier. Artiste vocale exceptionnelle, travailleuse acharnée enchaînant les concerts avec une énergie qui ferait passer Rihanna pour dilettante, Céline Dion, avec son mari et producteur, le disparu René Angélil, a su sans cesse se réinventer et créer un empire comme rarement une artiste a su le faire. Et pour revenir sur cet incroyable parcours, j'ai avec moi Elisabeth Renaud. Bonjour. Renaud. Elisabeth Renaud. Donc vous êtes biographe, auteur de deux livres sur Céline Dion, Céline et René, Un amour invincible paru le 8 juin 2016 aux éditions Les Deux Salamandres, et Céline Dion, La femme aux deux visages. Nous avons également Laure Costet. Bonjour. Bonjour. Journaliste, spécialiste de Céline Dion devant l'éternel. Et également Jean-Pierre Pasqualini. Bonjour. Bonjour. Journaliste musical. Autour de la table également, la Vénus de Milhomme. Bonjour. Bonjour. Et Martin Poppins, deux membres de la troupe Madame Arthur, un cabaret transformiste que je vous invite à découvrir au Divan du Monde à Paris et qui organise régulièrement des soirées Céline Dion. Bonjour. Alors, tous ensemble, on retracera le parcours de Céline Dion, de sa naissance au Québec à cette série de concerts marathon sur la scène de Las Vegas. On parlera de ses multiples métamorphoses et quelle est aujourd'hui sa place sur l'échiquier des divas de la chanson mondiale. Allez, on est le 6 août, vous êtes bien dans Blockbuster sur France Inter et aujourd'hui, on parle de Céline Dion. Ziggy, il s'appelle Ziggy, c'est mon seul ami. Dans sa tête, il n'y a que de la musique. Il vend des disques dans une boutique. On dirait qu'il vit dans une autre. Tous les soirs, il m'emmène danser dans des endroits très très gais où il a des tas d'amis. Oui, je sais, il aime les garçons. Je devrais me faire une raison, essayer de l'oublier. Mais Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Elisabeth Renaud, vous avez écrit un livre sur Céline Dion. Elle vous passionne depuis des années. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'enfance de Céline Dion? L'enfance, bah, ils étaient 15 enfants déjà. Elle était la dernière. Et sa mère avait des velléités d'être une grande violoniste, on dirait presque violonneuse, dans leur petit village de Charlemagne, au fin fond du Québec. Et puis Céline, c'était déjà une grande révoltée, une grande rebelle. Et comme pratiquement toute la famille jouait de la musique dans le petit cabaret du village, jusqu'à pas d'heure, et ben le matin, il arrivait qu'elle se lève pas pour aller à l'école, souvent. Même. Donc, elle était d'abord déjà, elle avait reçu la piqûre de la musique sous toutes ses formes, et on la voyait à l'âge de 4-5 ans, debout sur la table de la cuisine, tout le monde avec des casseroles, des fourchettes, des batteries improvisées, en train de chanter toutes les chansons connues de l'époque, puisque ses frères et sœurs passaient à la télévision déjà. Hein. Ses frères et sœurs avaient déjà une stature d'artiste connue au Québec. Oui, Michel surtout était très intéressé par la production et donc par le grand producteur René Angélil. Et quand il a vu que sa petite sœur chantait et avait cette voix presque de femme, elle avait 8, 10, 12 ans et elle avait déjà une voix de femme, une voix de chair déjà, elle a voulu. Et puis bien sûr poussée par l'ambition démesurée de Thérèse, la maman, qui aujourd'hui a 90 ans et qui est encore là. Elle est poussée par ses frères et sœurs. Elle est un petit peu la petite poupée de la famille. Tout le monde se dispute de l'avoir dans son lit, de lui faire des coiffures, etc. Et le frère Michel s'est dit, il faut absolument que Céline aille passer une audition chez René Angélil, qui avait quelques déboires de producteurs à l'époque et qui était un peu, comme on dit, au creux de la vague. Donc, il était, disons, même très mal. Donc, il lui a envoyé une cassette avec une chanson écrite par la maman. Hein, ce n'était qu'un rêve. Et du coup, il a eu du mal à avoir ce rendez-vous, mais il l'a obtenu. Et quand René Angélil a entendu la petite, là, qui avait 12 ans et demi, 13 ans, lui chanter cette chanson, il a eu les larmes aux yeux. Il a dit, mais c'est pas possible, il y a quelque chose là, il y a un diamant brut, il va falloir que j'en fasse quelque chose de grandiose. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que si elle a commencé très très tôt, on sait comment ça se passe dans le cinéma avec les enfants acteurs, quand on les lance trop trop vite dans le métier. Est-ce que Céline était véritablement actrice de tout ce qui lui est arrivé, ou est-ce que c'est vraiment juste les parents et sa famille, ses frères et sœurs qui l'ont poussée? Est-ce qu'elle, elle était vraiment, elle avait envie de faire tout ça? Mais ils ont semé le grain en elle dès l'enfant, dès son apparition sur Terre. Parce que sa mère elle-même rêvait d'être une artiste reconnue, mais elle ne l'était que finalement d'une façon très relative. Tous les frères et sœurs étaient plus ou moins dans la musique et dans la chanson aussi. Elle n'a vécu que de ça. Donc elle le voulait, mais on avait vraiment semé le grain en elle. C'était depuis toujours, quoi. Elle n'a vécu que de cela, que de cela. Et c'était une enfant extravertie ? Oh, elle était, oui, on peut le dire. Oui, on peut le dire. Elle était très, très, très, quand on la voyait. Enfin, on la voyait. On l'imagine debout sur la table de la cuisine en train de faire sa représentation devant toute la famille. Parce que quand il y a 15 enfants, donc 14, plus le père et la mère, plus les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, les tantes, etc., ça fait quand même déjà un petit public qui compte. Et elle s'en donnait à cœur joie. Et elle n'était pas du tout restreinte dans son expression, pas du tout. On va continuer à parler de Céline Dion, mais le mieux c'est encore de l'écouter. Voici Céline Dion qui nous interprète « Pour que tu m'aimes encore ». Alors vous pouvez, chez vous, interpréter un karaoké, vous pousser les meubles. Nous on va le faire autour de la table, on ne se juge pas. On y va. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que ces doux appellas, les amours s'y passent. Faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. N'allez pas commencer à tirer, toucher. N'allez pas t'en donner, moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, je ne suis pas les autres, oh, non, non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinis. Vous l'avez reconnu, c'était Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, notre blockbuster du jour. Are you ready to rock and roll? Blockbuster sur France Inter. Chez moi, les points se balancent et les points grattent le ciel. Les sauts des tons sont violents et les neiges sont éternelles. Chez moi, les joues sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Va pour les forêts et loups de grâce, va pour les torrents et l'âge éternel. J'invite tes yeux brillants, où ton sang coule, où tes bras me serrent. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place et qu'importe l'endroit. Nous sommes toujours ensemble pendant une heure pour parler de Céline Dion. Et Laure Costé, la question qui me taraude, c'est comment se retrouve-t-on à représenter la Suisse dans un concours de l'Eurovision quand on est québécoise? Bah, c'est un concours de circonstances finalement. La chanson était bonne, le pays avait besoin d'une interprète. La magie a pris quoi. Et on en connaît le résultat aujourd'hui. C'est ce qui a permis à Céline Dion de sortir de son statut de petite artiste locale. Jean-Pierre Pascolini. Oui, c'est vrai que c'est pas la seule fois où ça a été le cas. France Gall était tout à fait française, elle a fait l'Eurovision pour le Luxembourg. Donc c'est pas la seule qui mais a pas a fait. On a le droit de tricher ? Comment ? On triche en fait un peu. Non, on triche pas, mais voilà, beaucoup de gens ont été représentants du Luxembourg en étant de purs et durs français. Monaco, c'est pareil. Monaco, c'est pas si grand que ça. Pour trouver une chanteuse à Monaco, c'est pas toujours facile. Donc Séverine avait représenté Monaco en 71. Donc Céline fait partie des gens qui ont représenté. La seule petite différence, c'est qu'elle venait quand même du Québec, pas d'un pays européen. Ça, c'était étonnant. D'accord. Et en fait, justement en termes de vente d'albums, quand elle est arrivée en Suisse, elle avait déjà quand même toute une grosse carrière derrière elle au Canada. Céline a deux grimes de la tête. Hein. Je traduis pour le dire, parce que c'est pas très radiophonique. Parce que c'est vrai qu'en 88, elle joue le tout pour le tout. En France, elle a été énorme en 82-83 avec D'amour ou d'amitié, mon ami m'a quitté. En 85, elle chante du Barbelivien, La Religieuse, qui est une très très belle chanson, mais qui ne va pas avoir un succès énorme. Et donc, c'est vrai que René cherche une issue, quoi. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour la relancer en Europe? Parce que elle avait d'ailleurs enregistré en allemand aussi en Europe avant ça, hein. Mais ça marchait plus autant que les premières années. Donc, c'était pour la remettre en selle que René, qui était une main de fer dans un gant de soie. Faut savoir que c'était un oriental, hein. Il a obtenu tout ce qu'il a voulu. René, moi, j'ai des souvenirs dingue avec lui, où jamais il brutalisait personne. C'est quelqu'un qui était d'une gentillesse, mais qui savait ce qui était le mieux pour sa chanteuse. Et il avait cette puissance, cette force, mais avec une douceur orientale. Il vous enrobait tout. Et René, c'est ça, sa grande cartouche d'oriental, quoi. Je ne sais pas si les gens sont d'accord, c'était un garçon formidable de douceur. Il pouvait se mettre en colère. Hein. Contre les journalistes. Mais quand il, quand abusait, il interdisait aux journalistes de venir poser les questions embêtées, pour être poli. Quand elle avait des problèmes de voix, surtout, qu'il fallait qu'elle avait décidé qu'elle ne parlait plus. Mais il était quand même un vrai oriental dans la négociation. La négotiation l'oriental, hein, pas à la québécoise. Pas oublier ses racines. Je connais pas le distinguo entre les deux. La négociation à la québécoise, moi je paye mes impôts à la française. La québécoise, c'est très proche des USA. Les USA ont beaucoup influencé le showbiz québécois. René, il avait tout un côté oriental par-dessus tout ça. Donc vous avez raison, il pouvait être très ferme quand Céline devait reposer sa voix, c'était sans appel, il fallait qu'elle repose sa voix. Mais en revanche, pour la négociation, il ne se braquait jamais. C'était jamais des noms catégoriques, il essayait de ménager la chèvre et le chou tout le temps. Moi je l'ai vu au tout début avec Eddie Marnay, qui a été le grand parolier, qui l'a présenté à Drucker dans les années 80. J'ai eu la chance de rencontrer cette équipe, parce que j'ai dirigé Platine, un magazine, pendant 25 ans, et donc j'ai eu la chance d'interviewer Céline et René il y a très très longtemps, dans ces années 80-90. Et c'est vrai que j'avais été subjugué par Surtout que très vite après l'Eurovision, elle va conquérir l'Amérique avec Where Does My Heart Beat Now, qui va être un gros carton en 89. Un an après l'Eurovision, c'est en français, ça va marcher. Et juste après, comme elle avait pris des cours d'anglais, elle s'était fait refaire le visage, eh bien, elle va cartonner face au Mariah Carey, au Whitney Houston. C'est vraiment 89, le choc frontal avec ces stars américaines. Et leur côté hors antenne, vous disiez qu'il y avait plusieurs Céline. Et comment on explique justement ces métamorphoses multiples de Céline Dion au fur et à mesure de sa carrière ? Il y a déjà quelque chose qui est très intéressant que Céline Dion a dit elle-même il y a quelques années de ça. Justement, toute cette époque, 88, 90, où voilà, déjà René Angéli lui impose beaucoup de choses en termes de communication, d'image. Elle ne rêvait que d'une chose, c'est ressembler à Vanessa Paradis. Donc, c'est-à-dire mettre des jeans taille haute, des t-shirts blancs, avoir les cheveux pas coiffés. Et on lui impose un style de jeune fille. Bien sous tout rapport, des robes immondes, enfin pour l'époque, un peu compliquées, des mises en plis. Oui, elle avait cette. Donc il y a toujours eu une dualité en fait entre ce qu'elle voulait. Parce qu'elle a grandi avec Mireille Mathieu quand même, elle ne peut pas le renier. Non, on ne peut jamais Mathieu, se renier. Personne ne peut le renier. Elisabeth Reynaud ? Elle avait une très très grande motivation, une folle motivation, c'est qu'elle est tombée tout de suite amoureuse de René. Et elle voulait le séduire. Et elle pensait que si elle ne mettait pas des jupes très courtes, si elle n'était pas rockeuse dans l'âme, puisque lui, son idole, c'était Elvis Presley, elle arriverait jamais. Mais elle était très jeune quand elle a eu cette envie. Elle était très jeune. Elle est tombée folle amoureuse de lui, elle avait 13 ans. Mais c'est au fur et à mesure de sa carrière où elle était effectivement une petite chanteuse habillée. Excusez-moi, c'est le réacteur moi qui réagit et qui dit c'est chelou quand même. On ne sait pas trop l'année où ça a basculé, hein, l'amour et l'amitié. On n'a pas que trop l'Eurovision, que le en soir cas, de l'Eurovision, il y a eu un baiser. Soir de l'Eurovision, je crois qu'elle l'a séquestrée dans sa chambre. Elle lui a dit maintenant tu vas y passer. Et ça, c'était se battre contre sa mère. Parce que sa mère. Mère voulait qu'elle épouse un petit jeune homme de bonne famille, si possible, argenté, si possible, etc., etc. Et pas du tout, pas du tout. Elle avait des photos de René sous son oreiller, qui était caché, et la mère les a vues, Thérèse les a vues, et il y a eu une grande, grande crise entre mère et la fille. Des années de problèmes entre la mère Thérèse et René. Hein. Ça n'a pas été facile la relation. J'imagine. Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler. Comment lui faire lire au fond de mes pensées? Mais comment font ces autres à qui tout réussit? Qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. J'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps. Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. Je rappelle que durant tout cet été, via notre répondeur, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, le 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire Céline Dion. En fait, Céline Dion, ça parle à tout le monde et surtout, même encore maintenant, en 2019. Comment on explique ça ? Jean-Pierre Pasqualini ? Ça me paraît évident. En France, il y a eu des tubes il y a encore très très peu de temps. Encore un soir, encore une heure, après la mort de René, juste avant parler à mon père. Donc elle a régulièrement, bing, bing, bing, des tubes qui s'accumulent en français et en anglais. Pas tout, d'ailleurs, les tubes en anglais ne marchent pas toujours en France, mais il y a beaucoup de pays dans le monde où ces titres en anglais continuent à s'amasser, à faire son répertoire. Elle a un répertoire qui évolue, c'est pas quelqu'un qui est resté bloqué sur les années 80 comme une Jeanne Masse et qui n'a pas rajouté de tubes. Elle a rajouté beaucoup de tubes au fil des années. Elisabeth Reynaud ? Et puis Céline a fait quelque chose tout de même de très étonnant, c'est qu'elle a fait du monde entier sa famille. C'est quand même incroyable qu'elle aille en Australie, en Chine, aux États-Unis, partout. Elle livre son intimité. Elle livre ses grossesses, la naissance de ses enfants, le cancer de René, sa mort évidemment, etc. Et on voit que, je sais pas, au stade de Saint-Denis, elle a fait participer les 50 000 spectateurs à l'intimité de René, qui était resté dans son lit parce que il avait vraiment maintenant une attaque du cancer tellement grave qu'il ne pouvait plus la suivre comme il l'avait fait toute sa vie. Donc donner comme ça au public du monde entier les éléments de sa vie intime. On fait de ce monde entier sa famille. Enfin, bien sûr, la famille des fans, évidemment, parce que tout le monde n'est pas fan de Céline. Mais elle a ce don quand même de s'offrir comme ça, gorge déployée, poitrail ouvert, et les gens sont emportés, ils sont touchés. Leur costé. Oui, en fait, l'œuvre finalement de Céline Dion est intimement liée à sa vie. C'est compliqué de dissocier les deux. En fait, la plupart de ses chansons parlent de sa vie intime, donc pas qu'elle les ait écrites, mais voilà, que ce soit Jean-Jacques Goldman, même Eddy Marnay en son temps, avait tout de suite compris voilà que Céline Dion, la vie de Céline Dion, deviendrait son œuvre. Et pour l'aspect intergénérationnel finalement. Parce que c'est surtout ça qui est frappant, c'est de voir que ça plaît pas seulement à un public, c'est à des publics. Voilà. Qui techniquement n'aurait pas grand-chose à voir les uns avec les autres, et pourtant, elle arrive à fédérer beaucoup de monde autour d'elle. Alors pour moi, il y a une bascule vraiment en 2014, qui est la sortie du film Mommy de Xavier Dolan, qui a remis au goût du jour les chansons de Céline Dion, enfin en particulier On ne change pas. Elle est passée du statut d'icône kitsch qui faisait son petit truc à Las Vegas, enfin vu de notre point de vue en tout cas, oui. un petit truc à Las Vegas. Vu de point de vue très français. Voilà. Mais, non mais je veux dire, elle est redevenue elle a repris sa place d'icône en fait grâce à un film hyper populaire, hyper beau et qui parlait à toute une communauté aussi. La Vénus. C'est peut-être à ce moment-là qu'elle est devenue une artiste inter, elle aussi, tu vois. C'est le moment où elle a collaboré avec Xavier Dolan. Xavier Dolan, je pense aussi. Je pense bien, ouais. Il y a en plus. C'est aussi Xavier Dolan en fait, je pense, parce qu'il a aussi un cinéma qui est extrêmement queer, et donc il en fait aussi une espèce d'icône gay qui est réactualisée, donc du coup qui est comme une Madonna un peu pour nous. Et je pense que c'est aussi pour ça, en tout cas, qu'elle est intergénérationnelle, c'est qu'elle rassemble vraiment les gens, et elle rassemble aussi les communautés quand on écoute Céline, en plus par sa sympathie et par son espèce de bonhomie naturelle, comme ça, tu vois, elle a un espèce de truc où tu voudrais que ce soit ta copine, quoi. Oui, quoi, puis elle a beaucoup de souriants, tu vois. Elle a pas peur d'être moche. Elle peut se faire un truc, là, un palmier sur la tête, au sommet de la tête, ou alors elle peut faire des grimaces immondes. Elle a pas peur, alors qu'elle se donne un mal fou pour être la plus belle du monde. Mais quand elle a envie d'être laide, elle est laide. Quand elle a envie de dire des énormités, elle dit des énormités. Donc, ça lui donne un accès direct aux gens. Et puis, elle a quand même aussi une très grande empathie à des gens qui ont souffert. Elle reçoit des gens qui ont été malades. Elle a fait des visites dans le monde entier. Elle a été dans la cellule de, je sais plus comment. Nelson Mandela, pardon. Je suis désolé. Avec son fils, oui. Mais c'est vrai qu'à la fois, elle donne. Il a profité d'une ainsi, Jean-Pierre. Je l'ai vu. Il s'est glissé. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'elle a profité à la fois de cette empathie et du fait qu'elle se donnait au public, comme on vient de le dire. Mais aussi, elle a très bien structuré sa vie. Par exemple, quand elle a eu besoin d'avoir un endroit fixe pour élever ses enfants, René Charles, elle a signé à Vegas pour avoir une vie familiale parce qu'elle savait qu'elle allait chanter au bureau tous les soirs. Elle allait aller à Vegas. Donc en 2000, au moment où René Charles va naître, elle va s'installer là pendant des années. Et elle refera la même chose 10 ans plus tard pour la naissance des jumeaux. Parce qu'elle est structurée dans la tête. Céline Dion et moi, on fonctionne pareil, en fait. Sauf que j'ai déménagé dans l'Essonne. Je suis entouré par des experts, mais j'ai envie de vous poser la question. L'êtes-vous vraiment? Parce que vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser 3 questions extrêmement pointues concernant Céline Dion. Saurez-vous y répondre? Sur l'album 2, on retrouve les titres suivants. Je sais pas, regarde-moi, pour que tu m'aimes encore, cherche encore, j'irai où tu iras. Dites Elle serait pas un peu chiante, Céline Dion? Il y a quand même Vol, qui est une très belle chanson sur cet album. Hein. Les vrais fans, quand j'ai dit ça, ils m'ont regardé les yeux. Non, mais il a raison, Jean-Pierre. Vol, c'est un chef-d'œuvre. Oui. C'est Vol, sur la mort de Goldman, sa sur la mort de sa petite nièce, je crois. Qui avait la mucoviscidose et pour laquelle d'ailleurs. Moi, je préfère Il Vol de Michel Sardou. Elle a chanté en duo plus tard avec Sardou d'ailleurs. Deuxième question. Céline Dion a interprété la BO de Titanic. Alors j'aurais voulu savoir, vous qui la connaissez mieux que moi, est-ce que Céline ne pense pas comme moi que dans le film il y avait suffisamment de place sur la porte pour que Rose laisse monter Jack? Si, moi je le pense en tout cas. Ah, merci Vénus. C'est un enfer. parce qu'en plus Céline elle nous fait tomber amoureux de Leonardo comme ça et puis ensuite il meurt. Tu vois, je veux dire, c'est assez abominable. Oui. Quand la porte fait deux fois elle la taille de cette nénette. Enfin, je veux dire, non, vraiment. Il y a des manières plus élégantes de rompre, je trouve. Mais elle déteste cette chanson, hein. Faut savoir que c'est vraiment une des chansons qu'elle ne voulait pas la chanter. Déjà dès le départ, elle ne voulait pas la chanter. Et c'est la maquette qui est sortie. Maquette qu'ils ont gardée, où elle était très énervée. Vous avez vu une maquette de Céline Dion, ce que c'est? Ouais, c'est quand même pas mal. Le niveau d'une maquette quand vous écoutez. Elle commence là où d'autres n'arrivent jamais. Ouais, exact. Grande interprète, on a tendance en France à toujours dire que les interprètes c'est pas suffisant, que les gens doivent écrire leurs paroles, leur musique, mais Montand n'a jamais rien écrit, Reggiani n'a jamais rien écrit, pourquoi on veut toujours surtout sur France Inter que les gens écrivent leurs paroles et leur musique? Il faut balancer, Jean-Pierre, c'est le moment ou jamais. Non, mais c'est vrai que interprète, justement, c'est un talent à part entière. À propos d'artistes inter, on va écouter Angèle avec Balance ton quoi. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en où je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. C'était Balance ton quoi d'Angèle. Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter. tu crois que c'est fini. Jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile, j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie un instant. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause. Et on écoute évidemment un tube de plus de Céline Dion avec le petit protégé de René Angélil, Garou. Alors là, je voudrais m'adresser à Martin Poppins, représentant donc du cabaret Madame Arthur. À quel moment exactement vous vous êtes dit, tiens, on a envie de faire une soirée Céline Dion, tellement elle est culte, tellement ça va parler à plein de gens? Au début de la saison, on a fait des soirées thématiques. Et en effet, c'était de rendre hommage à notre façon, à des artistes, soit anglo-saxon, mais surtout français, puisqu'on chante en français chez Madame Arthur essentiellement. Donc, c'est posé Céline Dion, et donc on s'est proposé, ils ont choisi les chanteurs. Et voilà, donc on avait choix justement entre trois chansons chacune. Et c'est vrai que c'était pas évident pour Céline Dion, parce qu'il y avait tellement pléthore d'albums de 92, enfin moi, c'est là tube, que j'ai commencé. Tube sur tube. Jusqu'à 2018-2019, que du coup c'était vraiment pas évident. Et après aussi faire des traductions, des morceaux en anglais, entre autres, étaient. Ben voilà, et ça a été très fédérateur. On en a déjà fait deux versions. Ouais, il y a eu celle dont vous avez eu l'extrait, et puis celle qu'on a faite en février. Et à chaque fois, je me suis dit, j'ai eu les échos, c'est blindé, les gens sont comme des oufs. Enfin, c'est comme la Disney, les gens chantent. C'est-à-dire, ils ont connu ça, elle a traversé les époques, les âges. Et on parlait aussi de sa carrière. C'est vrai que moi, Céline Dion, c'est... Je sais pas si on peut dire que je suis fan, mais en tout cas, elle a été dans ma vie depuis que je suis enfant. Et chacune de ses chansons correspond à une période de ma vie, que je le veuille ou non, en fait. Après, j'ai toujours trouvé que c'était... Elle était une performance en elle-même, puisque son corps a traversé aussi le temps. Elle l'a changé. Et sa voix a traversé les époques. Moi, quand j'entendais Ziggy, mais je me suis dit, mais quelle voix grave, quelle voix aussi pas cassée, mais... C'était un autre timbre, c'était aussi une autre personne. Et elle est le témoignage que le corps et la voix traversent le temps aussi, et qu'elle est son propre instrument. Et pour le coup, je dois dire qu'à un moment, j'ai lâché après New Day Ascom, par ma vie, parce que j'étais moins touché par ce qu'elle faisait. Je trouvais ça très anglique. Attention, parce que Laure, elle est quand même vigilante, hein, Fofo. Très anglique, mais vigilante à quoi, du coup ? Non, je suis d'accord sur le New Day Ascom. J'ai un peu lâché aussi. Moi, New Day Ascom, j'ai plutôt moi aimé, mais après, ouais. J'ai plus suivi. J'ai trouvé qu'au niveau du timbre, quelque chose a changé dans sa voix. C'est mon avis perso au niveau de l'appréciation. Mais par contre, je suis impressionné quand j'ai vu ces séries de concerts, parce que du coup, qui dit travailler sur un artiste et une chanteuse, dit regarder aussi à nouveau, donc revoir, revoir comment on va réinterpréter, comment ça traversait le temps. Eh bien, je me suis dit, mais quelle technicienne, parce qu'en effet, pour le coup, elle a travaillé, elle travaille encore, et pour tenir des représentations tous les soirs au César Palace, c'est trop long ce que je dis, c'est ça, ou c'est je suis trop long, je comprends pas le signe. Oui, ça fait juste raccourci un petit peu. Au César Palace, et ben, je me dis, elle a peaufiné sa technique, et elle tient, enfin, c'est une très très grande interprète. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle est inattaquable pour moi. Enfin. Bah justement, voilà, inattaquable. Et c'est vrai que Céline Dion, elle a l'air inattaquable, parce que critiquer Céline Dion, c'est compliqué, comme dirait l'autre. Il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. C'est la séquence J'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Dans ses articles intitulés « Encore une daube » et « Jusqu'à la nausée », Sophie Delassin fustige Céline Dion et son dernier album. La journaliste s'est attirée les foudres des fans de la chanteuse. J'ai été, harcelée en message privé sur Facebook, en message ouvert et privé sur Twitter, au téléphone. J'ai fini au commissariat avec une plainte. Pendant deux semaines, il y a eu une patrouille de police devant l'Ops. Sophie Delassin fait valoir sa liberté de parole. Tant que j'aurai envie de dire que Céline Dion chante de la daube, je dirai Céline Dion chante de la daube. Et à ma grande surprise, j'ai reçu des messages en privé de journalistes québécois qui me remerciaient en me disant « Mais nous, on aurait fait ça au Québec, on était virés dans l'heure. » J'aime pas, j'aime pas. Alors, je tiens à dire à tous les fans de Céline Dion que pour moi, c'est la plus grande chanteuse ayant jamais existé. Vraiment, vraiment. Je n'ai absolument aucun courage. Donc non, j'adore Céline Dion. Mes enfants écouteront Céline Dion. Et même s'ils veulent pas, je les forcerai à écouter Céline Dion. Vraiment, vraiment. Donc comment on explique cette idée? Ça me semble un petit peu aberrant d'imaginer qu'on ne puisse absolument rien dire sur Céline Dion. Oui, il y a quand même des gens, des journalistes qui passent leur temps à vouloir aller à contre-courant pour exister. Hein. Je ne veux pas dire que c'est le cas de la jeune dame qu'on vient d'entendre, mais elle a accumulé ce genre de choses, elle a attaqué Pierre Perret, enfin elle en a attaqué plein hein, de chanteurs. Donc souvent dans la presse qui est moribonde, le papier ne se vend plus à cause d'Internet, tout le monde le sait, donc les journaux qui veulent continuer à exister, il faut qu'ils trouvent des choses un peu, des aspérités, des choses un peu désagréables à dire. Souvent, même si c'est pas fondé, parce que si elle donne les poils à des millions de gens, déjà, c'est que ça marche, quoi. On n'a pas à juger. S'il y a des gens qui ont les poils, on doit respecter ça. Chacun a son QI et a le QI qui correspond à son goose bimpo, sa chair de poule. Je sais pas si on peut aller sur le quotient intellectuel, c'est peut-être tout simplement une histoire de goût. Oui, une sensibilité. Une sensibilité. Bah, les textes peuvent être stupides, mais il n'empêche qu'il y a des tas de gens qui adorent des textes très simples, comme Mireille Mathieu en a chanté avant Céline, comme Céline peut en chanter. Et ça, pour le coup, moi, quand je parlais, c'était au niveau de la technique de l'interprète et de comment elle a géré sa carrière. Après, le contenu, je pense, c'est libre à chacun, parce que c'est pas une chanteuse pour un politique, Céline Dion. Après, pour le coup, moi, c'est vrai que j'ai toujours eu, et c'est pour moi, selon moi, c'est pour ça aussi qu'elle... Il y a un mystère, Céline Dion, pour moi, de mon point de vue, quand je la vois, c'est que je ne sais pas qui c'est cette femme. Et quand je disais elle a un côté cyborg et aussi freaks, c'est que elle a aussi une vie à contre-courant de par ce qu'elle a choisi, de par son mariage, de par comment elle a exposé. Et finalement, j'ai l'impression, mais j'entrerai peut-être pas dans ce détail, mais tu parlais qu'elle était devenue inter par rapport au film avec Xavier Dolan. C'est qu'en fait, il y a un endroit, elle est quand même soutenue, je veux dire, par sa carrière, par les soutiens qu'elle a, et donc c'est aussi ça qui permet de continuer sa réussite, et parce que je pense qu'elle le mérite aussi, mais je pense que des gens ont le droit de penser je pense qu'elle peut déranger aussi, moi je ne sais pas qui c'est Céline Dion aujourd'hui, quoi. Il y a un endroit mystérieux. Sur les attaques de fans, je pense que Céline Dion a compris très vite ce qu'ont compris les artistes d'aujourd'hui. Quand on voit les Beliebers, les fans de Justin Bieber, très vite, en fait, Céline Dion, il y a eu énormément de merchandising, mais aussi parce qu'elle a chanté, elle s'est attachée à son public, et donc son public le lui rend bien. Il y a un groupe de fans qui s'appelle les Redheads, qui sont absolument partout sur Internet, qui nettoient tous les commentaires méchants contre Céline Dion, et qui font un travail de com' hallucinant. Donc je pense qu'elle est effectivement inattaquable de ce côté-là. Elisabeth Reynaud. Comme disait Martha Poppins. Voilà. Il est manifeste qu'elle a construit Céline Dion. Elle était peut-être Céline Dion en naissant, mais elle a construit Céline Dion. Et de même qu'elle était poussée par l'ambition de rendre René amoureux d'elle, elle a passé 10 ans de sa vie à se torturer pour devenir une femme belle. Alors que ce soit les dents, qui a quand même été une vraie torture, hein, parce qu'elle a porté des appareils pas possibles, ou que ce soit son corps, ou que ce soit le fait qu'elle a appris à danser, elle a appris à chanter, car elle chantait mal, elle plaçait mal sa voix, et elle risquait de la perdre. Donc elle a bossé comme un forçat pendant 10 ans, et quand on parle de cyborg, on peut presque dire ça, parce que elle a construit Céline Dion. Et ça, c'est un travail qui émane d'elle, qu'on perçoit, qu'on comprend, et qui rend les gens, même sans le savoir, admiratifs. C'est quand même une sorte de génie. Je suis désolée. Vénus. Moi, étant quelqu'un d'encore très jeune, j'ai 25 ans, tu vois. Du coup, Céline Dion, je la vois un peu Moi, ce qui me dérange dans sa carrière, c'est justement l'idée de versatile, c'est-à-dire que c'est une personne qui a tellement voulu être omniprésente tout le temps, elle a justement, elle a jamais vraiment disparu. Mais seulement le truc, c'est que en soi, parce que parfois, on a des artistes comme ça qui disparaissent pendant plusieurs années, puis ils font un espèce de comeback gigantesque. Elle a jamais vraiment disparu de la toile. Jamais disparu. Donc ça peut lasser. Moi, en tout cas, dans ma génération, face à des stars qu'on a qui ont un univers esthétique extrêmement poussé, qui ont en plus ça une identité très forte, c'est vrai que Céline Dion, je pense que maintenant, ça peut-être un peu moins toucher pour ça, parce qu'elle est tellement versatile que c'est difficile de connaître son identité. C'est ce que je pense. Je rejoins là-dessus Martin, dans le sens où vraiment c'est difficile d'avoir une identité Céline Dion parce qu'elle a fait tellement de choses différentes que. Et puis en plus ça, esthétiquement parlant, c'est vraiment pas une artiste qui, en tout cas de mon point de vue, est intéressante face à ce qu'on nous offre aujourd'hui dans les artistes de ma génération. Ah, il y a leur côté qui veut dire quelque chose rapidement. Et en même temps, c'est génial. Enfin, moi, je trouve que c'est génial ce côté versatile parce que chacun peut avoir sa Céline Dion. C'est comme une collection de poupées. En fait, on préfère la blonde, la brune, la rousse. Et ben voilà, moi, il y a des périodes de Céline Dion que j'adore. C'est ma Céline Dion. Et des périodes comme aujourd'hui, les titres plus club, ce qu'elle a présenté en finissant à Las Vegas. Moi, par exemple, là, j'ai complètement décroché. Quoi. C'est pas ma Céline Dion, en tout cas à moi. Alors, dans quelques minutes, on va jouer avec un auditeur, mais pour le moment, on va écouter Achise de Céline Dion, bien évidemment. Comme tous les jours, cette émission est réalisée par la seule cantatrice qui compte à mes yeux, Céline Hila. Marie Mougin, Chloé Brassière et Prudence Castelot, les choristes de Radio France, ont préparé cette émission. Et notre Renée à nous, aujourd'hui, s'appelle Élise Christophe. What's left to say? These prayers ain't working anymore. Every word shut down in flames. What's left to do with these broken pieces on the floor? I'm losing my voice, calling on you. 'Cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm broke. Watching all these dreams go up in smoke. Let beauty come out of ashes. Let beauty come out of ashes. Fires in my soul. 'Cause I need you here. Whoa. 'Cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm broke. Watching all these dreams go. C'était Achise de Céline Dion, tirée du film Deadpool 2. Et bien maintenant, on va jouer! Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Alors aujourd'hui, on a Betty au téléphone. Bonjour Betty. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Oui, très bien. Vous nous appelez d'où ? J'appelle de Hésine, juste à côté de Bordeaux. D'accord. Alors je me suis laissé dire que vous étiez fan de Céline Dion. Oui. Oui. Comme beaucoup de monde, je pense. Et vous l'avez découvert comment ? Alors, je l'ai découverte pendant les années 90. Moi, j'ai 28 ans et j'ai une maman très fan de Jean-Jacques Goldman. Mmh. Et donc, du coup, forcément, quand il a commencé à écrire pour Céline Dion, on écoutait beaucoup dans la voiture Céline Dion et ses albums des années 90. D'accord. Donc, on va voir si vos connaissances musicales vont permettre de gagner ce défi extrêmement compliqué. Alors, je vais vous poser trois questions et vous aurez 25 secondes chrono pour y répondre. Si vous ne pouvez pas répondre, ou que vous faites erreur, ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez droit à un joker qui vous donne le droit d'être aidé par l'invité de votre choix. Vous avez bien compris ? D'accord. Très bien. Prêt ? C'est parti. Prêt. Si je vous donne le nombre 13, c'est réponse A, le nombre de frères et sœurs de Céline Dion. Réponse B, le nombre de membres de la famille Dion. Réponse C, le nombre d'albums francophones de Céline Dion. Je dirais que c'est le nombre de frères et sœurs. Eh bien, pour moi c'est une bonne réponse, mais Elisabeth Reynaud me dit il y en a deux autres qui sont nés depuis. Non, c'est une bonne réponse, voilà, voilà. Bah, bravo Betty. Donc question suivante. Devant quelle immense star de la pop Céline Dion a-t-elle chanté ? Star de la pop. Il y a quasiment la réponse dans la question. Michael Jackson ? Bonne réponse ! Voilà, c'est quasiment sans faute, hein. Alors attention, dernière question. Pour quel film Céline Dion a-t-elle interprété cette chanson ? Ah, là, c'est plus compliqué. Alors, Betty, une idée ? Non, là, je sais pas. Est-ce qu'on fait appel à un des jokers ? Oui, ça serait bien, ouais. Alors, qui choisissez-vous ? Je vais demander à Laure Costet. Laure Costet. Ah, ben voilà, alors là, ben c'est ben la voilà. colle. Alors, est-ce qu'on peut réécouter ? Alors. Il n'y a pas que Laure qui sèche, on sèche tout. Bah, tout le monde sèche. Alors, il y a eu Disney. Un Disney. Ah, c'est des symboles français ? Je suis brandassé. Non, non, non. Il y a un petit colérique. Ah, attention, 5 secondes. Pour Astérix et Obélix. Astérix ! Oui, oh c'était quoi ? Oh, oh, magnifique ! Sur quel le fil du rasoir. C'était incroyable. Wow, wow, wow. C'est le mime. Bravo, la bravo, bravo. Et bien voilà, grâce à Vénus, vous avez gagné le livre d'Elisabeth Reynaud. Voilà, Céline et René, un amour invincible aux éditions Les Deux Salamandres. Voilà, et c'était vraiment, mais il y avait un suspense absolument dingue. Incroyable. Ah bah oui. En tout cas, merci d'avoir participé, Betty. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Voilà, donc j'aimerais remercier tout le monde. Elisabeth Reynaud, merci. Alors, merci, est-ce que vous planchez sur un nouveau livre sur Céline Dion ou... Ah non. Non, c'est fini. Non, j'allais dire que ça y est, ça va. Ça y est. Oui. Ça va. Faut qu'elle me laisse tranquille. Oui. Alors Costet, merci à vous. Merci. Jean-Pierre Pascolini, merci. Il faut regarder Télé Mélodie. On l'a pas assez dit parce que Céline elle y est régulièrement avec des émissions vintage. Voilà, ça, la pub est faite. Martin Poppins, Vénus, merci d'avoir été avec nous. Alors, je rappelle que vous jouez au Divan du Monde dans les soirées et cabarets de Madame Arthur. Ouais. La prochaine soirée Céline Dion aura lieu donc le 20 novembre, c'est ça ? Ouais, la semaine du 20 novembre, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et voilà. Madame Arthur reprend fin août, en fait. Ouais. Eh bien, écoutez, on y sera. J'adore le Divan du Monde, donc voilà. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. On y sera. Voilà, alors, comme toujours, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, 01 56 40 30 20, sur le sujet du jour, c'est-à-dire Céline Dion. Et l'important, c'est de suivre, c'est de jamais aller à contre-courant, de suivre le cours d'eau. Et je me dis que ça me mènera où ma destinée est envie que je sois.